C'était trop fort, alors on l'a éjecté. Éjection. Ah non, mais putain, ça casse les oreilles, là. Il est trop dans le rouge, là. Too much to do before I die. Feeling alright, feeling Bonsoir Titi, est-ce que t'as passé un joyeux Noël Titi? Est-ce que t'as eu des jolis cadeaux de Noël Titi? Il est bon ce son. Je sais pas ce que c'est comme clavier. La distorsion, elle va bien sur le... Franchement, c'est bon comme son. Je sais pas ce que c'est. On dirait un gros latte. Max. Max, what's your keyboard? Welcome to Max Song. No, I like this. Good sound, good distortion. Je trouve que c'est assez envoûtant comme distortion. Binem C15. C15. Un Citroën C15. Non, je déconne. C'est quoi le C15? Tu vas voir sur internet. Ah, mais c'est un rond, ça. C'est quoi le C15? C'est quoi le C15?